Le lendemain, à 11 h du matin, Vronsky se rendit à la gare de Saint-Pétersbourg pour y chercher sa mère qui devait arriver, et la première personne qu'il rencontra sur le grand escalier fut Oblonsky, venu au-devant de sa sœur. « Bonjour, comte !» lui cria Oblonsky. « Que viens-tu chercher ?»« Ma mère !» répondit Vronsky avec le sourire habituel à tous ceux qui rencontraient Oblonsky. Et, lui ayant serré la main, il monta l'escalier à son côté. « Elle doit arriver aujourd'hui de Pétersbourg. »« Moi, qui t'ai attendu jusqu'à 2 h du matin, mais où donc as-tu été en quittant les Chelmansky ?»« Bon, je suis rentré chez moi, » répondit Vronsky. « Je n'avais envie d'aller nulle part, tant la soirée d'hier chez les Chelmansky m'avait paru agréable. » je reconnais à la marque qu'ils portent les chevaux ombrageux et à leurs yeux les jeunes gens amoureux, se mit à réciter Stepan Arkadievitch du même ton que Lévin la veille. Vronsky sourit et ne se défendit pas, mais il changea aussitôt de conversation. « Et à la rencontre de qui viens-tu » demanda-t-il. « Moi, à la rencontre d'une jolie femme. Vraiment ? « Oh, l'y soit qui m'en y pense. Cette jolie femme est ma sœur, Anna. »« Ah, Madame Karénine, » dit Vronsky. « Tu la connais certainement. »« Il me semble que oui. Au reste, peut-être me trompais-je, » répondit Vronsky d'un air distrait. Ce nom de Karénine évoquait en lui le souvenir d'une personne ennuyeuse et affectée. Mais tu connais au moins mon célèbre beau-frère Alexis Alexandrovitch. Il est connu du monde entier. C'est-à-dire que je le connais de réputation et de vue. Je sais qu'il est plein de sagesse et de science, mais tu sais, ce n'est pas mon genre. Not in my line, dit Vronsky. Oui, c'est un homme remarquable, un peu conservateur, mais un fameux homme, répliqua Stepan Arkadievitch. Un fameux homme. « Eh bien, tant mieux pour lui !» dit en souriant Vronsky. « Ah ! Te voilà !» s'écria-t-il en apercevant à la porte d'entrée un vieux domestique de sa mère. « Entre par ici !» Vronsky, outre le plaisir commun à tous ceux qui voyaient Stepan Arkadievitch, en éprouvait un tout particulier depuis quelque temps à se trouver avec lui. C'était en quelque sorte se rapprocher de Kitty. Il le prit donc par le bras et lui dit gaiement « Donnons-nous décidément un souper à la diva dimanche ?»« Oh, certainement, je fais une souscription. Dis donc, as-tu fait hier soir la connaissance de mon ami Lévin ?»« Mais sans doute, mais il est parti bien vite. »« C'est un brave garçon, » continua Vlomsky, « n'est-ce pas ?» Je ne sais pourquoi, dit Vronsky, tous les moscovites, excepté naturellement ceux à qui je parle, ajouta-t-il en plaisantant, ont quelque chose de tranchant. Ils sont tous sur leurs ergots, se fâchent et veulent toujours vous faire la leçon. C'est assez vrai, répondit en riant Stepan Arkadievitch. Le train arrive-t-il ? Demanda Vronsky en s'adressant à un employé. « Il a quitté la dernière station, » répondit celui-ci. Le mouvement croissant dans la gare, les allées et venues des Artelchik, l'apparition des gendarmes et des employés supérieurs, l'arrivée des personnes venues au-devant des voyageurs, tout indiquait l'approche du train. Le temps était froid et à travers le brouillard, on apercevait des ouvriers couverts de leurs vêtements d'hiver, passant silencieusement entre les rails enchevêtrés de la voie. Le sifflet d'approche se faisait déjà entendre. Un corps monstrueux semblait avancer lourdement. Mais non, continua Stepan Arkadievitch, qui avait envie de raconter à Vronsky les intentions de Lévin sur Kitty. Non, tu es injuste pour mon ami. C'est un homme très nerveux, qui peut quelquefois être désagréable, mais en revanche, il peut être charmant. Il avait hier des raisons particulières de nature à le rendre très heureux ou très malheureux, ajouta-t-il avec un sourire significatif, oubliant absolument la sympathie qu'il avait éprouvée la veille pour son ami, à cause de celle que lui inspirait Vronsky pour le moment. Celui-ci s'arrêta et demanda sans détour « Veux-tu dire qu'il a demandé ta belle-sœur en mariage ?»« Peut-être bien, » répondit Stepan Arkadievitch. « Cela m'a fait cet effet hier au soir, et s'il est parti de bonne heure et de mauvaise humeur, c'est qu'il aura fait la démarche. Il est amoureux depuis si longtemps qu'il me fait peine. »« Oh, vraiment ? » Je crois d'ailleurs qu'elle peut prétendre à un meilleur parti, dit Vronsky en se redressant et se remettant à marcher. Au reste, je ne le connais pas, mais ça doit être effectivement une situation pénible. C'est pourquoi tant d'hommes préfèrent s'en tenir au Clara, du moins avec ces dames. Si l'on échoue, ce n'est que la bourse qu'on accuse. Ah, mais voilà le train. En effet, le train approchait. Le quai d'arrivée parut s'ébranler et la locomotive, chassant devant elle la vapeur alourdie par le froid, devint visible. Lentement et en mesure, on voyait la bielle de la grande roue centrale se plier et se déplier. Le mécanicien, tout emmitouflé et couvert de givre, salua la gare. Derrière le tender apparut le wagon des bagages qui ébranla le quai plus fortement encore. Un chien dans sa cage gémissait lamentablement. Enfin, ce fut le tour des wagons de voyageurs, auxquels l'arrêt du train prima une petite secousse. Un conducteur, à la tournure dégagée et ayant des prétentions à l'élégance, sauta lestement du wagon en donnant son coup de sifflet, et à sa suite descendirent les voyageurs les plus impatients. Un officier de la garde, à la tenue martiale, un petit marchand affairé et souriant, un sac en bandoulière et un paysan, sa besace jetée par-dessus l'épaule. Vronsky, debout près d'Oblonsky, considérait ce spectacle, oubliant complètement sa mère. Ce qu'il venait d'apprendre au sujet de Kitty lui causait de l'émotion et de la joie. Il se redressait involontairement, ses yeux brillaient. Il éprouvait le sentiment d'une victoire. Le conducteur s'approcha de lui. « La comtesse Vronsky est dans cette voiture, » dit-il. Ces mots le réveillèrent et l'obligèrent à penser à sa mère et à leur prochaine entrevue. Sans qu'il voulût jamais en convenir avec lui-même, il n'avait pas grand respect pour sa mère et ne l'aimait pas. Mais son éducation et l'usage du monde dans lequel il vivait ne lui permettaient pas d'admettre qu'il pût y avoir dans ses relations avec elle le moindre manque d'égard. Moins il éprouvait pour elle d'attachement et de considération, plus il exagérait les formes extérieures. Vronsky suivit le conducteur. En entrant dans le wagon, il s'arrêta pour laisser passer une dame qui sortait, et avec le tact d'un homme du monde, il la classa d'un coup d'œil parmi les femmes de la meilleure société. Après un mot d'excuse, il allait continuer sa route, mais involontairement il se retourna pour la regarder encore, non à cause de sa beauté, de sa grâce ou de son élégance, mais parce que l'expression de son aimable visage lui avait paru douce et caressante. Elle tourna la tête au moment où il la regardait. Ses yeux gris, que des cils épais faisaient paraître foncés, lui jetèrent un regard amical et bienveillant, comme si elle le reconnaissait. Puis aussitôt, elle sembla chercher quelqu'un dans la foule. Quelque rapide que fût ce regard, il suffit à Vronsky pour remarquer dans cette physionomie une vivacité contenue qui perçait dans le demi-sourire de deux lèvres fraîches et dans l'expression animée de ses yeux. Il y avait dans toute cette personne comme un trop-plein de jeunesse et de gaieté qu'elle aurait voulu dissimuler. Mais, sans qu'elle en eût conscience, l'éclair voilé de ses yeux paraissait dans son sourire. Vronsky entra dans le wagon. Sa mère, une vieille femme coiffée de petites boucles, les yeux noirs clignotants, l'accueillit avec un léger sourire de ses lèvres minces. Elle se leva du siège où elle était assise, remit à sa femme de chambre le sac qu'elle tenait, et tendant à son fils sa petite main sèche qu'il baisa, elle l'embrassa au front. « Ah, tu as reçu ma dépêche, tu vas bien, Dieu merci !»« Avez-vous fait bon voyage ?» dit le fils en s'asseyant auprès d'elle, tout en prêtant l'oreille à une voix de femme qui parlait près de la porte. Il savait que c'était celle de la dame qu'il avait rencontrée. Oh, « je ne partage cependant pas votre opinion, » disait la voix. « Oh, c'est un point de vue pétersbourgeois, madame. »« Pas du tout, c'est simplement un point de vue féminin, » répondit-elle. « Eh bien, permettez-moi de baiser votre main. » « Au revoir, Ivan Petrovitch, voyez donc où est mon frère et envoyez-le-moi, » dit la dame. Et elle rentra dans le wagon. « Avez-vous trouvé votre frère ?» lui demanda Madame Vronsky. Vronsky reconnut alors Madame Karénine. « Votre frère est ici, » dit-il en se levant. « Oh, veuillez m'excuser, madame, de ne pas vous avoir reconnu. » « Au reste, j'ai si rarement eu l'honneur de vous rencontrer que vous ne vous souvenez certainement pas de moi. »« Mais si, » répondit-elle, « je vous aurais toujours reconnu, car madame votre mère et moi n'avons guère parlé que de vous, il m'a semblé, pendant tout le voyage. » Et la gaieté qu'elle avait cherché à contenir éclaira son visage d'un sourire. « Mais mon frère ne vient pas. » « Appelle-le donc Alexis !» dit la vieille comtesse. Vronsky sortit du wagon et cria « Oblonsky, par ici !» Madame Karenine, en apercevant son frère, n'attendit pas qu'il vînt jusqu'à elle. Quittant aussitôt le wagon, elle marcha rapidement devant de lui, le rejoignit, et d'un geste tout à la fois plein de grâce et d'énergie, lui passa un bras autour du cou, l'attira vers elle et l'embrassa vivement. Vronsky ne la quittait pas des yeux. Il la regardait et souriait sans savoir pourquoi. Enfin, il se souvint que sa mère l'attendait et rentra dans le wagon. « N'est-ce pas qu'elle est charmante ?» dit la comtesse en parlant de Madame Karénine. « Son mari l'a placée auprès de moi, ce dont j'ai été enchanté. Nous avons bavardé tout le temps. Eh bien, et toi, on dit cœur, vous filez le parfait amour ?» « Tant mieux, mon cher, tant mieux. »« Oh, je ne sais à quoi vous faites allusion, maman, » répondit froidement le fils. « Sortons-nous. » À ce moment, Madame Karénine rentra dans le wagon pour prendre congé de la comtesse. « Eh bien, comtesse, vous avez trouvé votre fils et moi mon frère, » dit-elle gaiement. « Et j'avais épuisé toutes mes histoires, je n'aurais plus rien eu à vous raconter. » « Cela ne fait rien, » répliqua la comtesse en lui prenant la main. « Avec vous, j'aurais fait le tour du monde sans m'ennuyer. Vous êtes une de ces aimables femmes avec lesquelles on peut causer ou se taire agréablement. Quant à votre fils, n'y pensez pas, je vous prie. Il est impossible de jamais se quitter. » Les yeux de Madame Karénine souriaient tandis qu'elle écoutait immobile. Anna Arkadievna, un petit garçon d'environ 8 ans, expliqua la comtesse à son fils. Elle ne l'a jamais quitté et se tourmente de l'avoir laissé seul. Oui, nous avons causé tout le temps de nos fils avec la comtesse. Je parlais du mien et elle du sien, dit Madame Karénine, en s'adressant à Vronsky avec ce sourire caressant qui illuminait son visage. Oh, cela a dû vous ennuyer, répondit-il en lui renvoyant aussitôt la balle dans ce petit assaut de coquetterie. Mais elle ne continua pas sur le même ton, et se tournant vers la vieille comtesse, merci mille fois, la journée d'hier a passé trop rapidement. Au revoir, comtesse. Adieu, ma chère, répondit la comtesse. Laissez-moi embrasser votre joli visage et vous dire tout simplement, comme une vieille femme peut le faire, que vous avez fait ma conquête. » Quelque banale que fût cette phrase, Madame Karénine en parut touchée. Elle rougit, s'inclina légèrement et pencha son visage vers la vieille comtesse. Puis elle tendit la main à Vronsky avec ce même sourire qui semblait appartenir autant à ses yeux qu'à ses lèvres. Il serra cette petite main, heureux comme d'une chose extraordinaire, d'en sentir la pression ferme et énergique. Madame Karénine sortit d'un pas rapide. « Charmante !» dit encore la comtesse. Le fils était du même avis et suivit des yeux la jeune femme tant qu'il put apercevoir sa taille élégante. Il la vit s'approcher de son frère, le prendre par le bras et lui parler avec animation. Il était clair que ce qui l'occupait n'avait aucun rapport avec lui, Vronsky, et il en fut contrarié. « Eh bien, maman, vous allez tout à fait bien ?» demanda-t-il à sa mère en se tournant vers elle. Oh, « Très bien, oui, Alexandre a été charmant. Varda a beaucoup embelli, oh, elle a un air intéressant. » Et elle parla de ce qui lui tenait au cœur, du baptême de son petit-fils, bu de son voyage à Pétersbourg et de la bienveillance de l'empereur pour son fils aîné. Ah, « Voilà Laurent, » dit Vronsky en apercevant le vieux domestique. « Partons, il n'y a plus beaucoup de monde. » Il offrit le bras à sa mère, tandis que le domestique, la femme de chambre et un porteur, se chargeaient des bagages. Comme ils quittaient le wagon, ils virent courir plusieurs hommes, suivis du chef de gare, vers l'arrière du train. Un accident était survenu. Tout le monde courait du même côté. Qu'y a-t-il? Où il est tombé, écrasé? Disait-on. Stepan Arkadievitch et sa sœur étaient aussi revenus et, tout émus, se tenaient près du wagon pour éviter la foule. Les dames rentrèrent dans la voiture pendant que Vronsky et Stepan Arkadievitch s'enquéraient de ce qui s'était passé. Un homme d'équipe, ivre ou la tête trop enveloppée à cause du froid pour entendre le recul du train, avait été écrasé. Les dames avaient appris le malheur par le domestique avant le retour de Vronsky et d'Oblonsky. Ceux-ci avaient vu le cadavre défiguré. Oblonsky était tout bouleversé et prêt à pleurer. « Quelle chose affreuse, si tu l'avais vu, Anna, quelle horreur !» disait-il. Vronsky se taisait. Son beau visage était sérieux, mais absolument calme. « Oh, si vous l'aviez vu, comtesse, » continuait Stepan Arkadievitch, « et sa femme est là, c'est terrible. Elle s'est jetée sur le corps de son mari. On dit qu'il était seul à soutenir une nombreuse famille. Quelle horreur !»« Ne pourrait-on faire quelque chose pour elle ?» murmura Madame Karénine. Vronsky la regarda. « Je reviens tout de suite, maman, » dit-il en se tournant vers la comtesse. Et il sortit du wagon. Quand il revint au bout de quelques minutes, Stepan Arkadievitch parlait déjà à la comtesse de la nouvelle cantatrice, et celle-ci regardait avec impatience du côté de la porte. « Partons maintenant, » dit Vronsky. Ils sortirent tous ensemble. Vronsky marchait devant avec sa mère, et derrière eux venaient Madame Karénine et son frère. Il fut rejoint par le chef de gare qui courait après Vronsky. « Vous avez remis 200 roubles au sous-chef de gare. Veuillez indiquer, monsieur, l'usage auquel vous estimez cette somme. »« C'est pour la veuve, » répondit Vronsky en haussant les épaules. « À quoi bon cette question ?»« Ah, vous avez donné cela ?» cria Oblonsky derrière lui. Et serrant le bras de sa sœur, il ajouta: « très bien, n'est-ce pas, que c'est un charmant garçon. Mes hommages, comtesse !» Et il s'arrêta avec sa sœur pour chercher la femme de chambre de celle-ci. Quand ils sortirent de la gare, la voiture de Vronsky était déjà partie. On parlait de tous côtés du malheur qui venait d'arriver. « Quelle mort affreuse !» disait un monsieur en passant près d'eux. « On dit qu'il est coupé en deux !» « Oh, quelle belle mort, au contraire !» fit observer un autre, elle a été instantanée. « Comment ne prend-on pas plus de précautions ?» dit un troisième. Madame Karénine monta en voiture, et son frère remarqua avec étonnement que ses lèvres tremblaient et qu'elle retenait avec peine ses larmes. « Qu'as-tu, Anna ? » lui demanda-t-il. quand ils se furent un peu éloignés. « C'est un présage funeste, répondit-elle. « Mais quelle folie, dit son frère. Tu es ici, c'est l'essentiel. Tu ne saurais croire combien je fonde d'espérance sur ta visite. « Connais-tu Vronsky depuis longtemps ? » demanda-t-elle. « Oui, ah, tu sais que nous avons l'espoir qu'il épouse Kitty. »« Vraiment ? » dit Anna doucement. Ah, « Maintenant parlons de toi, » ajouta-t-elle en secouant la tête comme si elle eût voulu repousser une pensée importune et pénible. « Parlons de tes affaires. J'ai reçu ta lettre et me voilà. »« Oui, tout mon espoir est en toi, » dit Stepan Arkadievitch. « Raconte-moi tout alors. » Stepan Arkadievitch commença son récit. En arrivant à la maison, il fit descendre sa sœur de voiture et après lui avoir serré la main en soupirant, il retourna à ses occupations. Lorsque Anna entra, Dolly était assise dans son petit salon, occupée à faire lire en français un beau gros garçon à tête blonde, le portrait de son père. L'enfant lisait tout en cherchant à arracher de sa veste un bouton qui tenait à peine. Sa mère l'avait grondé plusieurs fois, mais la petite main potelée revenait toujours à ce malheureux bouton. Il fallut l'arracher tout à fait et le mettre en poche. « Laisse donc tes mains tranquilles, Grisha, » disait la mère, en reprenant sa couverture au tricot, ouvrage qui durait depuis longtemps et qu'elle retrouvait toujours dans les moments difficiles. Elle travaillait nerveusement, jetant ses mailles et comptant ses points. Quoiqu'elle eût dit la veille à son mari que l'arrivée de sa sœur lui importait peu, elle n'en avait pas moins tout préparé pour la recevoir. Absorbée, écrasée par son chagrin, Dolly n'oubliait pourtant pas que sa belle-sœur Anna était la femme d'un personnage officiel important, une grande dame de Pétersbourg. « Bon, au bout du compte, Anna n'est pas coupable, se disait-elle. Je ne sais rien d'elle qui ne soit en sa faveur, et nos relations ont toujours été bonnes et amicales. » Le souvenir qu'elle avait gardé de l'intérieur des Karénines à Pétersbourg ne lui était cependant pas agréable. Elle avait cru démêler quelque chose de faux dans leur genre de vie. « Mais pourquoi ne la recevrais-je pas ? « Pourvu toutefois qu'elle ne se mêle pas de me consoler, » pensait Dolly. « Je les connais, ces résignations et consolations chrétiennes, et je sais ce qu'elles valent. » Dolly avait passé ses derniers jours seule avec ses enfants. Elle ne voulait parler de sa douleur à personne et ne se sentait cependant pas de force à causer de choses indifférentes. Il faudrait bien maintenant s'ouvrir à Anna. Et tantôt elle se réjouissait de pouvoir enfin tout dire à ce qu'elle avait sur le cœur, tantôt elle souffrait à la pensée de cette humiliation devant sa sœur à lui, dont il faudrait subir les raisonnements et les conseils. Elle s'attendait à chaque minute à voir entrer sa belle-sœur et suivait de l'œil la pendule. Mais, comme il arrive souvent en pareil cas, elle s'absorba, n'entendit pas le coup de sonnette et lorsque des pas légers et le frôlement d'une robe près de la porte lui firent lever la tête, son visage fatigué exprima l'étonnement et non le plaisir. « Ah, comment tu es déjà arrivé ? » s'écria-t-elle en allant au-devant d'Anna pour l'embrasser. « Dolly, je suis bien heureuse de te revoir. »« Moi aussi j'en suis heureuse, » répondit Dolly avec un faible sourire, en cherchant à deviner, d'après l'expression du visage d'Anna, ce qu'elle pouvait avoir appris. « Oh, elle sait tout, » pensa-t-elle, en remarquant la compassion qui se peignait sur ses traits. « Viens que je te conduise à ta chambre, » continua-t-elle, en cherchant à éloigner le moment d'une explication. « Oh, est-ce la Grisha, mon Dieu ? Qui l'a grandie ?» dit Anna en embrassant l'enfant, sans quitter des yeux Dolly. Puis elle ajouta en rougissant, « On permet-moi de rester ici. » Elle ôta son châle et, secouant la tête d'un geste gracieux, débarrassa ses cheveux noirs frisés de son chapeau qui s'y était accroché. Bon, que tu es brillante de bonheur et de santé, dit Dolly, presque avec envie. Moi, oui, répondit Anna, mon Dieu, Tania, est-ce toi, la contemporaine de mon petit Serge, dit-elle en se tournant vers la petite fille qui entrait en courant. Elle la prit par la main et l'embrassa. Quel charmant enfant! Mais montre-les-moi tous! Elle se rappelait non seulement le nom et l'âge des enfants, mais leur caractère, leur petite maladie. Dolly en fut touchée. Eh bien, allons les voir, dit-elle. Mais Vashi adore, c'est dommage. Après avoir vu les enfants, elles revinrent au salon, seules cette fois. Le café y était servi. Anna s'assit devant le plateau, puis l'ayant repoussée, elle dit en se tournant vers sa belle-sœur, « Dolly, il m'a parlé. » Dolly la regarda froidement. Elle s'attendait à quelques phrases de fausse sympathie, mais Anna ne dit rien de ce genre. « Dolly, ma chérie, je ne veux pas te parler en sa faveur ni te consoler, c'est impossible. Mais, cher ami, tu me fais peine, peine jusqu'au fond du cœur. » Des larmes brillaient dans ses yeux. Elle se rapprocha de sa belle-sœur et de sa petite main ferme, s'empara de celle de Dolly, qui, malgré son air froid et sec, ne la repoussa pas. « Oh, personne, répondit-elle, ne peut me consoler. Tout est perdu pour moi. » En disant ces mots, l'expression de son visage s'adoucit un peu. Anna porta à ses lèvres la main amaigrie qu'elle tenait dans la sienne et la baisa. « Mais, Dolly, que faire à cela ? » dit-elle. « Mais comment sortir de cette affreuse position ? » ?»« Ouf, tout est fini, il ne me reste rien à faire. » répondit Dolly, car ce qu'il y a de pire, comprends-le bien, c'est de me sentir lié par les enfants. Je ne peux pas les quitter et vivre avec lui m'est impossible. Le voir est une torture. Dolly, ma chérie, il m'a parlé, mais je voudrais entendre ce que tu as à dire, toi. Raconte-moi tout. Dolly la regarda d'un air interrogateur. L'affection et la sympathie la plus sincère se lisaient dans les yeux d'Anna. « Je veux bien, répondit-elle, mais je te dirai tout depuis le commencement. Tu sais comment je me suis mariée. L'éducation de maman ne m'a pas seulement laissée innocente, elle m'a laissée absolument sotte. Je ne savais rien. » On dit que les maris racontent leur passé à leurs femmes, mais Stiva, elle se reprit, Stepan Arkadievitch, ne m'a jamais rien dit. Tu ne le croiras pas, mais jusqu'ici je me suis imaginé qu'il n'avait jamais connu d'autre femme que moi. J'ai vécu 8 ans ainsi. Non seulement je ne le soupçonnais pas d'infidélité, mais je croyais une chose pareille impossible. Et avec des idées semblables, imagine-toi ce que j'ai éprouvé en apprenant tout à coup cette horreur, cette vilenie. Croire à son bonheur sans aucune arrière-pensée et, continua Dolly en cherchant à retenir ses sanglots, recevoir une lettre de lui à sa maîtresse, la gouvernante de mes enfants. Non, c'est trop cruel. » Elle prit son mouchoir et y cacha son visage. « J'aurais pu encore admettre un moment d'entraînement, » continua-t-elle au bout d'un instant. « Mais cette dissimulation, cette ruse continuelle pour me tromper, et pour qui ? Mais c'est affreux. Tu ne peux pas comprendre cela. »« Oh, si, je comprends, ma pauvre Dolly, » dit Anna en lui serrant la main. « Et tu t'imagines qu'il se rend compte, lui, de l'horreur de ma position ?» continua Dolly. « Aucunement. Il est heureux et content. »« Ah non ?» interrompit vivement Anna. « Il m'a fait peine. Il est plein de remords. »« En est-il capable ? dit Dolly en scrutant le visage de sa belle-sœur. Oui, oui, je le connais. Je l'ai pu le regarder sans avoir pitié de lui. Au reste, nous le connaissons toutes deux. Il est bon, mais fier. Et comment ne serait-il pas humilié? Ce qui me touche en lui... Anna devina ce qui devait toucher Dolly. C'est qu'il souffre à cause des enfants et qu'il sent qu'il t'a blessé, tué. Toi qui l'aimes, oui, oui, qui l'aimes plus que tout au monde, ajouta-t-elle vivement pour empêcher Dolly de l'interrompre. Non, elle ne me pardonnera jamais, répète-t-il constamment. Dolly écoutait attentivement sa belle-sœur sans la regarder. Je comprends qu'il souffre. Le coupable doit plus souffrir que l'innocent. Il sent qu'il est la cause de tout le mal, dit-elle. Mais comment puis-je pardonner? Comment puis-je être sa femme après elle? Vivre avec lui dorénavant sera d'autant plus un tourment que j'aime toujours mon amour d'autrefois. Les sanglots lui coupèrent la gorge, mais, comme un fait exprès, sitôt qu'elle se calmait un peu, le sujet qui la blessait le plus vivement lui revenait aussitôt à la pensée. « Elle est jeune, elle est jolie, » continua-t-elle. « Par qui ma beauté et ma jeunesse ont-elles été prises? Mais par lui, par ses enfants. J'ai fait mon temps. Tout ce que j'avais de bien a été sacrifié à son service. Maintenant, une créature plus fraîche et plus jeune lui est naturellement plus agréable. Ils ont certainement parlé de moi ensemble. Pis que cela, ils m'ont passé sous silence, qu'en souhaites-tu ? » Et son regard s'enflamma de jalousie. « Que viendra-t-il me dire après cela ? Pourrais-je d'ailleurs le croire ? Jamais, non. Tout est fini pour moi, tout ce qui constituait la récompense de mes peines, de mes souffrances. Le croirais-tu ? Tout à l'heure, je faisais travailler Grisha. Jadis, c'était une joie pour moi. Maintenant, c'est un tourment. Pourquoi me donner ce souci ? Pourquoi ai-je des enfants ? Ce qu'il y a d'affreux, vois-tu, c'est que mon âme tout entière est bouleversée. À la place de mon amour, de ma tendresse, il n'y a que de la haine. Oui, de la haine. Je pourrais le tuer. Cher Dolly, je conçois tout cela, mais ne te torture pas ainsi. Tu es trop agité, trop froissé pour voir les choses sous leur vrai jour. Dolly se calma, et pendant quelques minutes, toutes deux gardèrent leur silence. Que faire, Anna? Pense-y, aide-moi. J'ai tout examiné, je ne trouve rien. Anna non plus ne trouvait rien, mais son cœur répondait à chaque parole, à chaque regard douloureux de sa belle-sœur. Mais voici ce que je pense, dit-elle enfin. Comme sœur, je connais son caractère et cette faculté de tout oublier. Elle fit le geste de se toucher le front, faculté propice à l'entraînement mais aussi au repentir. Actuellement, il ne croit pas, il ne comprend pas qu'il ait pu faire ce qu'il a fait. Non, oh, il l'a compris et le comprend encore, interrompit Dolly. D'ailleurs, tu m'oublies, moi. Le mal en est-il plus léger pour moi? Attends. Quand il m'a parlé, je t'avoue n'avoir pas mesuré toute l'étendue de votre malheur. Je n'y voyais qu'une chose, la désunion de votre famille. Il m'a fait peine. Après avoir causé avec toi, je vois comme femme autre chose encore. Je vois ta souffrance et ne puis te dire combien je te plains. Mais Dolly, ma chérie, tout en comprenant ton malheur, il est un côté de la question que j'ignore. Je ne sais pas jusqu'à quel point tu l'aimes encore. Toi seul, tu peux savoir si tu l'aimes assez pour pardonner. Alors si tu le peux, pardonne. Non, commença le lit. Mais Anna l'interrompit en lui baisant la main. « Je connais le monde plus que toi, » dit-elle. « Je sais la façon d'être des hommes comme Steva. » Tu prétends qu'ils ont parlé de toi ensemble, mais n'en crois rien. Ces hommes peuvent commettre des infidélités, mais leurs femmes et leurs foyers domestiques n'en restent pas moins un sanctuaire pour eux. Ils établissent entre ces femmes qu'au fond ils méprisent et leurs familles une ligne de démarcation qui n'est jamais franchie. Je ne conçois pas bien comment cela peut être, mais cela est... Mais songe donc qu'il l'embrassait. Écoute, Dolly, ma chérie, j'ai vu Steva quand il était amoureux de toi. Je me souviens du temps où il venait pleurer près de moi en me parlant de toi. Je sais à quelle hauteur poétique il te plaçait, et je sais que plus il a vécu avec toi, plus tu as grandi dans son admiration. C'était devenu pour nous un sujet de plaisanterie, que son habitude de dire à tout propos... « Dolly est une femme étonnante. Tu as toujours été et resteras toujours un culte pour lui. Ceci n'a pas été un entraînement de son cœur. » Mais si cet entraînement recommençait, c'est impossible. Aurais-tu pardonné, toi ? Je n'en sais rien, je ne puis dire. « Oui, je le puis, » reprit Anna après avoir posé cette situation intérieurement. « Je le puis certainement. Je ne serai plus la même, mais je pardonnerai, de telle sorte que le passé fût effacé. » « Cela va sans dire, » interrompit vivement Dolly, répondant à une pensée qui l'avait plus d'une fois occupée. « Sinon, ce ne serait plus le pardon. » « Allons, viens maintenant que je te conduise à ta chambre, » dit-elle en se levant. Chemin faisant, elle entoura de ses bras sa belle-sœur. « Chère Anna, combien je suis heureuse que tu sois venue. Je souffre moins, beaucoup moins. » Anna passa toute la journée à la maison, c'est-à-dire chez les Oblonsky, et ne reçut aucune des personnes qui, informées de son arrivée, vinrent lui rendre visite. Toute sa matinée se passa entre Dolly et ses enfants. Elle envoya un mot à son frère pour lui dire de venir dîner à la maison. « Viens, Dieu est miséricordieux !» écrivit-elle. Oblonsky dîna donc chez lui. La conversation fut générale, et sa femme le tutoya, ce qu'elle n'avait pas encore fait. Leur rapport restait froid, mais il n'était plus question de séparation et Stepan Arkadievitch entrevoyait la possibilité d'un raccommodement. Kitty vint après le dîner. Elle connaissait à peine Anna et n'était pas sans inquiétude sur la réception que lui ferait cette grande dame de Pétersbourg dont chacun chantait les louanges. Elle sentit bien vite qu'elle plaisait. Anna fut touchée de la jeunesse et de la beauté de Kitty. De son côté, Kitty fut aussitôt sous le charme et s'éprit d'Anna comme les jeunes filles savent s'éprendre de femmes plus âgées qu'elles. Rien d'ailleurs dans Anna ne faisait penser à la femme du monde ou à la mère de famille. On eût dit une jeune fille de 20 ans, avoir sa taille souple, la fraîcheur et l'animation de son visage, si une expression sérieuse et presque triste dont Kitty fut frappée et charmée, n'eût parfois assombri son regard. Anna, quoique parfaitement simple et sincère, semblait porter en elle un monde supérieur dont l'élévation était inaccessible à une enfant. Après le dîner, Anna s'était vivement approchée de son frère qui fumait un cigare pendant que Dolly rentrait dans sa chambre. « Steva !» dit-elle en indiquant la porte de cette chambre d'un signe de tête. « Va, et que Dieu te vienne en aide !» Il comprit et, jetant son cigare, disparut derrière la porte. Anna s'assit sur un canapé entourée des enfants. Les deux aînés, par imitation le cadet, s'étaient accrochés à leur nouvelle tante avant même de se mettre à table. Il jouait à qui se rapprocherait le plus d'elle, à qui tiendrait sa main, l'embrasserait, jouerait avec ses bagues ou se suspendrait au pli de sa robe. « Voyons, reprenons nos places, » dit Anna. Et Grisha, d'un air fier et heureux, plaça sa tête blonde sous la main de sa tante et l'appuya sur ses genoux. « Et à quand le bal, maintenant ?» dit-elle en s'adressant à Kitty. « Ah, la semaine prochaine, ce sera un bal superbe, un de ces bals auxquels on s'amuse toujours. »« Il y en a donc où l'on s'amuse toujours ?» dit Anna d'un ton de douce ironie. « C'est bizarre, mais c'est ainsi. Chez les Bobridge-Triff, on s'amuse toujours. Chez les Nikitin aussi. Mais chez les Vejekov, on s'ennuie invariablement. N'avez-vous jamais remarqué cela ?» « Ah non, cher enfant, il n'y a plus pour moi de bal amusant. » Et Kitty entrevit dans les yeux d'Anna ce monde inconnu qui lui était fermé. « Il n'y en a que de plus ou moins ennuyeux. »« Mais comment pouvez-vous vous ennuyer au bal ?»« Pourquoi donc ne puis-je m'ennuyer, moi ?» Kitty pensait bien qu'Anna devinait sa réponse. « Parce que vous y êtes toujours la plus belle ?» Anna rougissait facilement, et cette réplique la fit rougir. « D'abord, reprit-elle, cela n'est pas, et d'ailleurs, si cela était, peu m'importerait. »« Mais irez-vous à ce bal ?» demanda Kitty. « Oh, je ne pourrais m'en dispenser, je crois. »« Prends celle-ci, » dit-elle à Tania, qui s'amusait à retirer les bagues de ses doigts blancs effilés. « Je voudrais tant vous voir au bal. »« Eh bien, si je dois y aller, je me consolerai par la pensée de vous faire plaisir. »« Grisha, ne me découvre pas davantage, » dit-elle en rajustant une natte avec laquelle l'enfant jouait. « Je vous vois au bal en toilette mauve. »« Pourquoi en mauve, précisément ?» demanda Anna en souriant. « Allez, mes enfants, vous entendez que Miss Hull vous appelle pour le thé, » dit-elle en envoyant les enfants dans la salle à manger. « Je sais pourquoi vous voulez de moi cette soirée. Vous en attendez un grand résultat. »« Oh, comment le savez-vous ? C'est vrai. Oh, le bel âge que le vôtre !» continua Anna. « Je me souviens de ce nuage bleu qui ressemble à ceux que l'on voit en Suisse sur les montagnes. » On aperçoit, tout au travers de ce nuage, à cet âge heureux où finit l'enfance et tout ce qu'il recouvrait beau et charmant. Puis apparaît peu à peu un sentier qui se resserre et dans lequel on entre avec émotion, quelque lumineux qu'il semble. Qui n'a pas passé par là ? Kitty écoutait en souriant. « Mais comment a-t-elle passé par là ? » pensait-elle. Que je voudrais connaître son roman. » Et elle se rappela l'extérieur peu poétique du mari d'Anna. « Je suis au courant, » continua celle-ci. « Stiva m'a parlé. J'ai rencontré Vronsky ce matin à la gare, il me plaît beaucoup. »« Ah, il était là ?» demanda Kitty en rougissant. « Qu'est-ce que Stiva vous a raconté ?» Il a bavardé. Je serais enchanté si cela se faisait. J'ai voyagé hier avec la mère de Vronsky et elle n'a cessé de me parler de ce fils bien-aimé. Je sais que les mères ne sont pas impartiales, mais... Que vous a dit sa mère ? Oh, bien des choses. C'est son favori. Néanmoins, on sent que ce doit être une nature chevaleresque. Elle m'a raconté, par exemple, qu'il avait voulu abandonner toute sa fortune à son frère, que, dans son enfance, il avait sauvé une femme qui se noyait. En un mot, c'est un héros, ajouta Anna en souriant et en se souvenant des 200 roubles donnés à la gare. Elle ne rapporta pas ce dernier trait qu'elle se rappelait avec un certain malaise. Elle y sentait une attention qui la touchait de trop près. « La comtesse m'a beaucoup prié d'aller chez elle, » continua Anna, « et je serai contente de la revoir. J'irai demain. »« Stiva reste, Dieu merci, longtemps avec Dolly, ajouta-t-elle, en se levant d'un air un peu contrarié à ce que crut remarquer Kitty. C'est moi qui serai le premier, non, c'est moi, criaient les enfants qui venaient de finir leur thé et qui rentraient dans le salon en courant vers leur tante Anna. Tous ensemble, dit-elle en allant au-devant d'eux. Elle les prit dans ses bras et les jeta tous sur un divan en riant de leurs cris de joie. Dolly sortit de sa chambre à l'heure du thé. Stepan Arkadievitch était sorti par une autre porte. Je crains que tu n'aies froid en haut, dit Dolly en s'adressant à Anna. Je voudrais te faire descendre, nous serions l'une plus près l'une de l'autre. Oh, ne t'inquiète pas de moi, je t'en prie, répondit Anna, en cherchant à deviner sur le visage de Dolly si la réconciliation avait eu lieu. Il fera peut-être trop clair ici, dit sa belle-sœur. Mais je t'assure que je dors partout et toujours profondément. De quoi est-il question, dit Stepan Arkadievitch en rentrant dans le salon et en s'adressant à sa femme. Rien qu'au son de sa voix, Kitty et Anna comprirent qu'on s'était réconciliés. « Oh, je voudrais installer Anna ici, mais il faudrait descendre des rideaux. Personne ne saura le faire, il faut que ce soit moi, » répondit Dolly à son mari. Dieu sait si la réconciliation est bien complète, » pensa Anna en regardant le ton froid de Dolly. Ne complique donc pas les choses, Dolly, dit le mari. Si tu veux, j'arrangerai cela. Oui, elle est faite, pensa Anna. Moi, je sais comment tu t'y prendras, répondit Dolly avec un sourire moqueur. Tu donneras à Madvei un ordre auquel il n'entend rien, puis tu sortiras, et il embrouillera tout. « Ah, Dieu merci, pensa Anna, ils sont tout à fait remis. » Et heureuse d'avoir atteint son but, elle s'approcha de Dolly et l'embrassa. « Je ne sais pas pourquoi tu nous méprises tant, Madvei et moi, » dit Stepan Arkadievitch à sa femme en souriant imperceptiblement. Pendant toute cette soirée, Dolly fut légèrement ironique envers son mari, et celui-ci, heureux et gai, mais dans une juste mesure, et comme s'il eût voulu montrer que le pardon ne lui faisait pas oublier ses torts. Vers 9h30, une conversation vive et animée régnait autour de la table à thé, lorsque survint un incident, en apparence fort ordinaire, mais qui parut étrange à chacun. On causait d'un de leurs amis communs de Pétersbourg, et Anna s'était vivement levée. « Ah, j'ai son portrait dans mon album, je vais le chercher, » et vous montrerez par la même occasion mon petit Serge, ajouta-t-elle avec un sourire de fierté maternelle. C'était ordinairement vers 10 heures qu'elle disait bonsoir à son fils. Bien souvent, elle le couchait elle-même avant d'aller au bal. Elle se sentit tout à coup très triste d'être si loin de lui. Elle avait beau parler d'autre chose, sa pensée revenait toujours à son petit Serge aux cheveux frisés, et le désir la prit d'aller regarder son portrait et de lui dire un mot de loin. Elle sortit aussitôt, avec la démarche légère et décidée qui lui était particulière. L'escalier par où l'on montait chez elle donnait dans le grand vestibule chauffé qui servait d'entrée. Comme elle quittait le salon, un coup de sonnette retentit dans l'antichambre. « Mais qui cela peut-il être ? » dit Dolly. « C'est trop tôt pour venir me chercher, » fit remarquer Kitty, « et bien tard pour une visite. »« Oh, on apporte sans doute des papiers pour moi, » dit Stepan Arkadievitch. Anna, se dirigeant vers l'escalier, vit le domestique accourir pour annoncer un visiteur, tandis que celui-ci attendait, éclairé par la lampe du vestibule. Elle se pencha sur la rampe pour regarder, et reconnut aussitôt Vronsky. Une étrange sensation de joie et de frayeur lui remua le cœur. Il se tenait debout, sans ôter son paletot, et cherchait quelque chose dans sa poche. Comme elle atteignait la moitié du petit escalier, il leva les yeux, l'aperçut, et son visage prit une expression humble et confuse. Elle le salua d'un léger signe de tête et entendit Stepan Arkadievitch appeler Vronsky bruyamment tandis qu'il se défendait d'entrer. Quand Anna descendit avec son album, Vronsky était parti et Stepan Arkadievitch racontait qu'il n'était venu que pour s'informer de l'heure d'un dîner qui se donnait le lendemain en l'honneur d'une célébrité de passage. Jamais il n'a voulu entrer. Oh, quel original! Kitty rougit. Elle croyait être seule à comprendre pourquoi il était venu sans vouloir paraître au salon. Il aura été chez nous, pensa-t-elle, n'aura trouvé personne et aura supposé que j'étais ici, mais il ne sera pas resté à cause d'Anna et parce qu'il est tard. On se regarda sans parler et l'on examina l'album d'Anna. Il n'y avait rien d'extraordinaire à venir vers 9h30 du soir pour demander un renseignement à un ami sans entrer au salon. Cependant, chacun fut surpris et Anna plus que personne. Il lui sembla même que ce n'était pas bien.